Exercice 2. Les banques aujourd'hui sont plus sûres qu'avant. Vous pouvez déposer votre argent sur un compte, il n'y a pas de risque. Les entreprises peuvent opérer sans problème et les particuliers aussi. Mais ça coûte cher d'avoir un compte. Faut pas oublier que ce n'est pas gratuit de garder de l'argent sur un compte bancaire. Ah non, je ne suis pas d'accord.